Dossier 7, c'est mon choix. Leçon 3, des cadeaux pour tous. Activités 4 et 5. 1. Tu sais, Martine, elle aime bien sortir. On lui offre un spectacle ou un grand resto, qu'est-ce que tu en penses? Oh non! Écoute, à la retraite, elle va avoir du temps et elle adore cuisiner. On peut lui offrir des cours de cuisine plutôt, non? Oui, tu as raison, c'est une bonne idée. Les collègues ont donné 125 euros. Clique, on va regarder le prix des ateliers. 2. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je regarde des idées de cadeaux pour l'anniversaire de mariage de mes parents. On veut leur acheter quelque chose de bien avec mes frères. Dans les 160, 180 euros. Alors, à ton père, offrez-lui 6 bouteilles de bon vin. Et à ta mère? Ah non, non. On préfère faire un cadeau pour les deux. Ben, regarde, vous pouvez leur offrir une sortie ou un dîner à deux, par exemple. Ah oui, une soirée spectacle, c'est bien ça. On va voir le détail.